Ce que je voulais c'était brasser un passer sur un raptor. L'hiver sur un 2,5. Les soucis nous font du tort. Les péchés un jour ils vont s'effacer. J'étais petit, je voulais arrêter. En volant d'un putain de GT. J'étais à deux doigts d'arrêter. J'ai connu, j'ai donné, respecté tous ceux qui m'ont ouvert le passage. Supprimé, négligé tous ces faux amis qui étaient que de passage. Comme la plupart des jeunes, on aime l'argent facile, on le met dans l'emballage. Je me lève à 14 sur les quais, je mets le shit dans la feuille, c'est des collages. J'ai vite compris que tout ça c'est qu'un jeu, c'est que de la merde. Quand t'es dans la merde, y'a personne à part ta mère. Appartement gros, gamos, vu sur la mer. Tu parles de placard, mais toi au déprimaire. Tu parles de palais à ta mère. Je parle en mer. Autour de moi, j'ai vu le pire. Tu penses en moi, c'est ça le pire. Ah ouais, c'est ça le pire. Ouais, c'est ça le pire. J'ai tout donné. Oui, pour toi, j'ai tout fait. J'ai trop chargé mon joint, pour toi, moi j'ai doucé. Il m'a manqué de respect, fils de pute, j'ai pas touché. Là, quand t'as touché, ouais, là, quand t'as touché, j'suis dans la merde. Me joue de la trompette. On est sorti de soirée, sorti de soirée. Ouais, tu le sais, je suis complètement pompette. C'est que on est pas pareil. En cas d'embrouille, y'a jamais le canon qui s'enraye. C'est vrai qu'elle est belle, mais je suis dans mon DL. J'aime les hommes modèles, mais elle est belle. C'est pas comment je m'appelle. Pourtant, tu me dis que je suis un bel homme. Ego trip, c'est parti pour un petit freestyle sans terre. RK, ouais, j'baisse le gueule sur mon KTM. Toi t'as la haine, toi t'as balancé. Moi j'suis posé. Autour de moi, j'ai vu le pire. Tu penses en moi, c'est ça le pire. Ah ouais, c'est ça le pire. Ouais, c'est ça le pire. J'ai tout donné.